Cours numéro 1. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah. Wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathira amma ba'd. Alhamdulillah, intahayna min qira'at juz'an min hadhihi ar-risala al-muta'alliq bi sifat al-wudu min tafsir ayat surat al-ma'idah. Et on a fini mas'alat ar-rijlayn wa lillahi alhamd. Wa al-yawm, on commence un nouveau chapitre, et c'est toujours lié à tahara, bien sûr. C'est dans une mas'ala muhimma, wa hiya mas'alat al-mas'h 'ala al-khuffayn. Wa ta'lamun anna al-'ulama rahmatullah 'alayhim, ils ont cité cette mas'ala, ou certains d'entre eux, fi kutub al-i'tiqad al-tahawiyya, li'anna ba'd ad-dullal ankaru hadhihi aw hadha al-mas'h kar-rawafid qatalahumullah. Al-shaykh Yahya hafidahullah, dans cette risala, il a cité quelques masa'il d'ikhtisar. Et nous, inshallah, on ajoutera des masa'il min kitab Fath al-Allam. Kedalik, Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayhi, il a une risala nafi'a fi hadha. Fayunsah bi al-istifadati minha. Et cette masa'ala, al-mas'h, al-khuffayn, al-ulama, il la cite fi kutub al-fiqh. Wa fi kutub al-sunan, il cite les hadith. Et les shurrahi, il cite des masa'il. إن شاء الله نستفيد من كلام علمائنا رحمة الله على الجميع. قال الشيخ حفظه الله تعالى: شرعية المسح على الخفين. أولا, le premier باب, il montre que c'est مشروع. Et ce tertib, il est طيب. Avant de rentrer dans les détails, comment faire, le وقت, le temps, حفظه الله, il nous démontre مشروعية هذه العبادة, أي كس لجفري في دين الإسلام. ونادي أدلة من القرآن كما تقدم ومن السنة أن المس على الخفين صفي بختين الدين. بل ونادي العلماء أو بعض العلماء الستة مسألة في العقيدة, لأن من أنكر ذلك على خطر, لأنه بابار إجماع الصحابة وبابار أدلة واضحة. فسلوي كني هذا كي غجت هذا إلى على انحراف. C'est pour ça que l'ulama, cette mas'ala de fiqh, ils l'ont cité vi bab min abwab al-aqida. Il y en a rejeté cette mas'ala, ça montre que le cœur il est malade. Ça montre que le cœur il n'est pas à la aqidatin tayyiba, naqiyya. C'est ça la cause que bah, l'ulama cite cette mas'ala de fiqh fi kutub al-aqida. Et les hadiths fi mashru'iyyat al-mas'ala al-khuffayn kathira, mutawatira. Et le sheikh il a cité quelques-uns. Il a cité 4 ou 5 hadiths fi sahihayn ou fi ahadihima pour montrer al-mashru'iyya. Qala hafidahullah, akhraja al-imam al-Bukhari wa Muslim min hadith al-Mughira radiyallahu anhu qala kharaja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam li hajatihi fa atba'ahu al-Mughira bi idawatin fiha ma. An-nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est sorti pour faire ses besoins. Et le Mughira, il l'a suivi avec de l'eau, pour lui donner l'eau, après qu'il ait fait ses besoins, alayhi salatu wassalam. قَالَ فَصَبَّ عَلَيْهِ حِينَ فَرَغَ مِنْ حَاجَتِهِ فَتَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ. Enfin, le Mughira, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fini, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a fait l'eau, et celui qui lui versait l'eau, c'est le Mughira. On avait stafet, nous, dans notre risala, anna yajouz, c'est mashrou'. Tu fais l'eau et un frère, il te verse l'eau. C'est pas obligé que c'est toi qui te verse toi-même l'eau, là. Kadalik, c'est mashrou' de faire l'eau directement. Tu ouvres le robinet et tu fais l'eau mubashara. Lakin, l'insan yantabih min al-israf. Ba'dhum, il laisse le robinet ouvert, biquwa. Et il fait l'eau, rubbama, il a gaspillé des litres. Là. Qala fatawadda'a. On a vu les masaïd, walillahi alhamd, fi l'eau. Commençant par les mains trois fois, sunnah, jusqu'à les pieds. On a vu tout ça en détail. Wa masaha ala khuffay. C'est ça le shahid. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. مسح على خفيه فتتعجب من صلى الله السلام والعافية من بعض الضلال كالروافد ينكرون هذا بشدة alors que النبي صلى الله عليه وسلم il l'a fait. لكن في الحقيقة لا أعجب، لأن هؤلاء يطعنون في البخاري ومسلم، بل اللي كفر كما تعلمون. فتوسي أحاديث الآن عندهم سبا أكسبتاب، لأن بغو الرواة رواة الحديث سدي كذبة بل سدي كفرة. حتى الصحابي تعلمون أن من عقيدتهم الضلال يكفرون الصحابة إلا نفر يسير كما يزعمون. فلهذا يغجد توسي أحاديث ولا عبرة بقولهم سدي كفرة الروافض. قال: وأخرج البخاري من حديث عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. عمرو بن أمية صحابي رضي الله عنه يتمون إلى ذو رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين. قال: وأخرج البخاري عن سعد بن أبي وقاص أحد المبشرين بالجنة. سختن صحابة رضي الله عنهم للبروفيس صلى الله عليه وسلم هذا في الدنيا، ومنهم سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه. قال: أو أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين، أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى إسفية على الخفين. قال: وأخرجه البخاري ومسلم من حديث جرير بن عبد الله صحابي رضي الله عنه أنه بال ثم توضأ ومسح على خفيه، فقيل: تفعل هذا؟ دونك جرير رضي الله عنه il a fait le wudu et quand il est arrivé au pied il avait le khuffayn et il a fait le masah. Il n'a pas enlevé le khuffayn et il a lavé ses pieds. Là, il a laissé le khuffayn et il a fait le masah. فقيل تفعل هذا؟ Ils lui ont demandé: tu fais cette chose, le masah? وقال: نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. Et c'est ça le manhaj al-sahih. Et c'est ça l'islam authentique. Tu fais quelque chose, les anna nabi sallallahu alayhi wa sallam il l'a fait. Ta'ammalu ce hiwar l'an hadi, ça arrive d'avoir un ishkal et de ne pas connaître une mas'ala. Enfin, ces personnes, ou cette personne qui était avec Jarir ibn Abdullah, sahabi Jalil, radiyallahu an, ils l'ont vu faire une chose qu'ils ne connaissaient pas. Fa'al manhaj al-sahih, c'est de demander: taf'al hadha? Tu fais cette chose, bihudu. Et où il répond: na'am. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ. C'est ça l'ilm. Vous avez vu la simplicité du ilm. Pourquoi ya akhi tu fais cette chose? Je l'ai fait parce que le Nabi صلى الله عليه وسلم il l'a fait. Et tu cites le dalil. Jarir رضي الله عنه, c'est un sahabi. Donc c'est un fiqh. Donc il a plus qu'à citer qu'il a vu ou il a entendu. On accepte son khabar. Anta, tu rapportes le khabar de ce sahabi. Je dis maintenant, dans Sahih Bukhari ou dans Sahih Muslim, Jarir ibn Abdullah il a dit et tu cites le hadith. C'est ça l'ilm. Ça ne sert à rien de s'énerver. Ba'du al-juhal, il ne connaît pas une chose, wa yunkir mubashara. Ka'annahu il connaît tout l'ilm. Amma fil haqiqa, celui qui a l'ilm, pas besoin de s'énerver. Lianna, tu sais que tu ne sais pas tout. Fa rubbama, ce frère qui applique une sunna, il applique une sunna que toi tu ne connais pas. Fa tu lui demandes, bi kalam tayyib, ya akhi, je t'ai vu faire cette chose. Moi je connais pas. Pourquoi tu fais ça? Et moi il va te dire. S'il est à la ilm, il va te dire je fais parce que j'ai lu dans tel livre, ou je tel hadith, tel verset. Tayyib. فقال نعم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بال ثم توضأ ومسح على خفيه. قال فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث. Ça ça montre l'istislam. نعم. ففرحوا بهذا. Il leur a cité le dalil, farihou bihada. Et c'est hakada le muslim. Le muslim yafrah bil haq, yafrah bil sunnah. Le but c'est pas de chacun il secourt son qawl. Abadan. Le but c'est on applique sunnat al nabi sallallahu alayhi wa sallam, li anna nabi sallallahu alayhi wa sallam ça doit être la personne qu'on aime le plus. L'essentiel c'est nasr sunnat al nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et haoulat un exemple, un farihou. قال فكان أصحاب عبد الله يعجبهم هذا الحديث لأن كلام جرير بعد نزول المائدة. تمام نزول المائدة بوغبلي أن في المائدة on a le verset وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. Et ce hadith الآن il est venu après المائدة. Ça montre que في المائدة tu dois te laver les pieds. ثم الآن كلام جرير il est venu après. Ça montre que المس على الخفين c'est مشروع. Personne ne peut dire là, c'était avant Thomas al-Ma'ida, elle est venue et elle a abrogé. Là, لا لأن كلام جرير لهذا فرحوا بذلك. قال أي بعد آية الوضوء التي فيها غسل القدمين، ففي الحديث حكم زائد على ما دلت عليه الآية. نعم القرآن جاء فيه الغسل، سنة النبي صلى الله عليه وسلم تموت une chose en plus si t'as le khuffain on va voir avec des shurut tu peux faire le masah. طيب بل القرآن كذلك هي إشارة إلى المسح على الخفين. تذكرون في القرآن الكريم هي إشارة أن المسح على الخفين c'est مشروع. Vous vous rappelez du verset قول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بالكسر. On a dit c'est une قراءة صحيحة. بعض العلماء ils ont dit هذا يحمل على المسح على الخفين. Si c'est le كسر أي سيت الخفين أو une chose qui ressemble à الخفين comme جوارب les chaussettes etc. à notre époque تمسح c'est مشروع بالنص أي سي t'as les pieds nus t'as pas le droit de faire le مسح c'est واجب الغسل. هذا هي une إشارة في القرآن الكريم. قال وأخرج البخاري ومسلم من حديث حذيفة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فانتهى إلى صباطة قوم بال قائما. فسان دليل أن البول قائما سيبا حرام. النبي صلى الله عليه وسلم بال وهو قائم، الأفضل سيأسي. أما البول قائما dans une surface, maintenant un endroit sale, et Obama l'urine elle revient sur les vêtements, sur les pieds, hada la. Lakin si l'urine elle revient pas, voilà bas. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait. Lakin al-afdal c'est jalis. Lakin le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a fait pour montrer annahu c'est pas haram. C'est mubah. قال بال قائما فتنحيت فقال ادنه اي قرب. الدنو c'est le قرب. فدنوت حتى قمت عند عقبيه أو عقبيه فتوضأ فمسح على خفيه. دونك هنا حديث حذيفة، هنا حديث المغيرة، هنا حديث عمرو، هنا حديث سعد، هنا كذلك قصة جرير. الحديث المرفوع إلى رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 أحاديث plus le verset قراءة الكسر. العلماء parmi une des explications ils ont dit c'est pour le خفين. Inch'Allah, هذا يكفي. Et il y a beaucoup plus. On a dit, cette mas'ala نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم c'est un hadith بالتواتر. لكن, الشيخ, vous avez remarqué, il a cité des hadiths الصحيحين, des hadiths واضحة. C'est le nass, il est صريح. Vous avez remarqué, le nass dans tous, il est صريح. On répète. Le premier قال, مسح على خفين. C'est واضح. Le deuxième, يمسح على الخفين. C'est واضح. Le troisième, مسح على الخفين. Le quatrième, قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الخفين أو على خفي. Et le dernier فمسح على خفي. C'est remarqué il a choisi 5 حديث في الصحيحين avec un نص صريح. فالمسح على الخفين c'est مشروع. لكن avant de rentrer dans les مسائل on cite les شروط. حقيقة الشيخ يحيى va les citer لكن il va citer des abouab et ces abouab ils renferment les shurut. On va les citer 4 shurut Inch'Allah comme ça nous facilite et après on aqra le kalam ça sera wadih. 4 shurut Cheikh Ibn Uthaymeen il les a cités pour appliquer cette ibad. Là bout de 4 conditions. La première condition c'est de mettre al-khufayn. On va voir ce qui remplace le khufayn, hein, les chaussettes etc. que tu les portes, tu les mets, t'es à la tahara. أما celui qui met le خفين et il est pas à la طهارة ثم يفعل الوضوء ويمسع على الخفين الوضوء il est باطل. Il est obligé de refaire l'wudu et refaire الصلاة s'il a fait الصلاة على هذا الحق. والدليل على ذلك حديث المغيرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين. Ça ressemble au hadith qu'il a cité هنا لكن ينزياد أن المغيرة il s'est approché du prophète صلى الله عليه وسلم pour lui enlever le خفين. Léana, il lui a versé l'eau. Al-Nabi sallam, il a commencé à faire l'eau. Quand ils sont arrivés vers les pieds, Al-Mughira, il s'est approché pour enlever le khufayn de Nabi sallam. Pour qu'il lui verse, il lave ses pieds. Al-Nabi sallam, قال له دعهما. Il a dit laisse. إني أدخلتهما طاهرتين. Je les ai portés et j'étais à la tahar. Donc, Al-Nabi sallam, il a démontré clairement, si ça ne serait pas à la tahar, on les enlève. Lakin, je les ai portés, j'étais à la tahar. Fala bas. Il va faire le masque. Premier short. Donc celui qui est à la tahara là, il fait le dos, il lave ses pieds, tout le monde le khuffay. Tout le monde, s'il perd le dos, maintenant le fajr, il se lève, il n'est pas à la tahara en général, il n'avait pas le khuffay, il a dormi. Donc il ne va pas mettre des chaussettes et faire le dos là. Il n'a pas le dos aslan, il n'est pas à la tahara, il fait le dos, il lave ses pieds, tout le monde, maintenant il porte des chaussettes, il met des chaussettes. Al-an, le prochain wudu, maintenant au dhuhr, il a mis les chaussettes à la tahara, il a fini l'odo, fait le fajr. Avant dhuhr, maintenant, il a perdu l'odo. Khalas, fi hadha al-hal yushra' lah. Lanna il a le short. Il a mis ses chaussettes et il était à la tahara. S'il le perd avant dhuhr, il refait l'odo. Dès qu'il arrive au pied, il yamsah. Hada, c'est ça le premier short. Deuxième short. An yakun dhalik, ay al-mas' fi al-hadath al-asghar. Le mas' tu l'appliques si tu as perdu le dos, al-hadath al-asghar, kal-baul, wal-ghaït, al-noum. Amma celui qui est à la janaba, ou la femme, elle sort min al-hayd, elle doit faire le ghusl, hakada celui qui est à la janaba, fa fi hadha al-hal, la. Fi hadha al-hal, il ne suit pas à al-khuffay. Il est obligé de les enlever et il fait le ghusl. Wa dalil qawluhu ta'ala, wa in kuntum junuban, fattahharu. وإن كنتم جنبا فاطهروا ستأتي معنا آية وإن أكسبيكها بإذن الله صفة الغسل باش 119 قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا إن شاء الله وإن أكسبيكها الغسل في هذا الباب c'est la suite du verset surat المائدة qu'on a vu وإن كنتم جنبا فاطهروا أي جميع البدن donc في هذا الحال يبقى المس بل يا حديث حسن حسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه في البلوغ سيأتي معنا حديث صفوان ابن عسال رضي الله عنه قال مرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا ننزع الخفين ونحن على سفر إلا من جنابة أي الحدث الأكبر أي الغسل tu peux pas faire le ghusl avec le khuffain أبدا dès que tu fais le ghusl tu dois te laver tout le corps الشيخ ابن عثيمين là c'est une قاعدة نافعة في هذا حقيقة قاعدة نافعة قال لا مسح مع الحدث الأكبر tu fais pas le مسح avec le حدث الأكبر prends l'exemple de la tête أن في الحدث الأصغر تسوي ta tête وامسحوا برؤوسكم قال عز وجل et on a vu أن dès que tu fais le dos tu تسوي ta tête si un حدث أكبر مثلا جنابة أو حيض tu fais le غسل tu peux pas essuyer là t'es obligé de laver là tu laves la tête si tu remarques في الغسل y a pas de مسح C'est que du lavage. فَلَا مَسْحْ مَعَ الْحَدَثْ الْأَكْبَرْ C'est une قاعدة. إِلَّا فِي حَأَلْ الْضَرُورَةِ مَثَلًا وَاحَدِ الْعَلَى جَنَابَةِ Et il a une blessure sur la tête. في هذا الحال, il fait le غسل. لكن la tête, il a un pansement. Il a... في هذا الحال, il lave pas. S'il peut faire le مسح, il fait. وَإِلَّا هذا, il est معذور. Donc, deuxième chart. أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ أَيْ الْمَسْحْ Tu le fais في الحدث. أو عند الحدث الأصغر البول والغائط والنوم etc. أما الأكبر لا يبقى مسح ثالثاً شرط أن يكون المسح في الوقت المحدد هذا شرط on va voir que pour le muqim c'est un jour يوم وليلة on va voir pour le musafir c'est trois jours ثلاثة أيام avec les nuits celui qui dépasse cette مدة المسح il est pas صحيح مثلا واحد للمقيم Et ça fait deux jours qu'il a ses chaussettes. Hadala. Dès qu'il a passé le premier jour avec la nuit, khalas, il doit enlever. Al-Masr, il a un waqt muhaddad. Un jour et une nuit pour Muqim, le résident, et trois jours et leur nuit pour Al-Musafir. Ça, c'est le troisième shart. Et hada, Sheikh, il l'a cité, on le verra en détail. Inch'Allah ta'ala. Quatrième shart. Taharat al-jawarib wal-khuffayn. Que ça soit des chaussettes, que ça soit. Khuffayn, il faut que cette chose elle soit tahira. Ay la yumsa ala al-khuffayn wa fiha najasa. Ama si une najasa là. Ça c'est quatre shurut que Cheikh Uthaymeen les a cités. Et vous allez voir que avec tout ce qu'on va lire, on passera sur ces masa'il, lakin antum al-an vous avez des bases. Hatta nous à chaque fois on répète pas ça c'est un shart. On a les shurut, on a mashru'iyyat al-mas'ala. Al-an on n'a plus qu'à lire les masa'il. Inch'Allah, c'est واضح. Awalan, on commence par le tawqid. Qala al-shaykh tawqid al-mas'h ala al-khuffayn. Anna cette ibadah, ana waqt muhaddad. Qala قال ابن أبي شيبة رحمه الله في المصنف قال حدثنا هشيم بن بشير قال أخبرنا داود بن عمرو عن بشر بن عبيد الله الحضرمي عن أبي إدريس الخولاني قال حدثنا عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بالمسع على الخفين في غزوة تبوك 3 أيام ولياليهن للمسافر 3 jours et leur nuit pour le مسافر قال ويوما وليلة للمقيم قال هذا إسناد حسن والحديث صحيح بشواهده نعم الحديث لحسن en lui-même et il arrive il monte au niveau de صحيح avec tous les autres hadiths et les athars قال وأخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه بسند حسن والحديث صحيح بشواهده من حديث صفوان بن عسال رضي الله عنه on l'a cité حديث صفوان par rapport à la mas'ala de الحدث الأصغر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا كنا صفرا صفرا أي في سفر أن لا ننزع خفافنا 3 أيام ولياليهن إلا من جنابة C'est ce hadith qu'on avait cité. إلا من جنابة Ça montre qu'un المسح est pour le hadith al-asghar. قال لكن من غائط وبول ونوم أي لا يأمرنا بذلك نعم Ça montre notre مسألة qu'on a vu auparavant le شرط أنه c'est pour le hadith al-asghar. Et هنا كذلك حديث صفوان فيه الوقت pour المسافر 3 jours et 3 nuits. قال وأخرج ابن ماجه بسند حسن والحديث صحيح لغيره أي لدي شواهد إلى تاني النيفو دي صحيح قال من حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر إذا توضأ ولبس خفيه ثم أحدث الآن يشرط الطهارة vous avez remarqué قال أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للمسافر إذا توضأ أي على وضوء إلى الشرط ولبس خفين الخفين bien sûr après il les a mis il était à la tahara s'il a cette condition قال ثم احدث الان il a perdu l'eau لكن الخفين il les a mis à la tahara s'il perd l'eau d'eau le short il l'a قال ثم احدث وضوءا ان يمسح 3 ايام ولياليهن pour le مسافر قال وللمقيم يوما وليله حديث لي واضح قال بسند حسن عند ابن ماجه اي لصحيح لغيره الى ابي بكر حديث عوف ابن مالك اي حديث صفوان بن عسال رضي الله عنهما اجمعين دونك الوقت 3 jours et leur nuit pour le voyageur et 1 jour et la nuit pour al muqim pour le resident celui qui est en voyage on lit des مسائل متعلقه بالوقت اي ce شرط اللي مهم في المسألة الخفين لان cette عباده لها وقت محدود Comme plusieurs ibadat, Ramadan il a un waqt mahdoud. Maintenant, Ramadan, siyam al-yawm, c'est min tulu' al-fajr al-sadiq jusqu'à ghuroub al-shams. Celui yata'ammad, maintenant il mange avant le ghuroub, il a chaque anna l'wudu, il est bâtil, anna siyam il est bâtil. Hakaza le mas'ala al-khufayn. Wahid il dépasse. Il dépasse la limite. Et puis le mas'ala al-khufayn, le waqt c'est le fait de dépasser. Amma avant, sahl. Tu les enlèves. Lakin, un jour et une nuit, maintenant, il dépasse. Il est au deuxième jour. Il continue à faire le masih. Et il est résident. Hala, c'est khatir son fi'l. Wa man yata'adda hudud Allah faqad zalama nafsah. Et ça, c'est min hududillah. Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis ses limites. Un jour et une nuit pour le résident et 3 jours et leur nuit pour le musafir. Cheikh Mohammed ibn Hizam, wafaqahu Allah, il a cité de masail. Il y a un bab nafi' fil bulugh. Bab al masih ala al khuffayn. Et il a cité des masaïl par rapport au tawqit. Page 191 d'un hadith numéro 55. Al-Hafid ibn Hajar, il a cité hadith al-Mughira. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ فأهويت لأنزع خفيه. C'est ce rivaya qu'on a cité. أي النبي صلى الله عليه وسلم il a fait le wudu فأهويت فالمغيرة il s'est penché pour retirer les خفين du prophète عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين فمسح عليهما متفق عليه إلى ستة مسألة المسح que c'est مشروع on l'a vu إلى ستة المسألة نقراها avant de rentrer dans les détails du وقت قال أيهما أفضل المسح على الخفين أم غسل الرجلين c'est quoi le mieux de faire le mas'a al-khuffayn ou t'enlèves le khuffayn et tu te laves les pieds. C'est un souhait tayyib. Il veut faire l'afdal. Il sait que les deux c'est mashrou'. Il sait que faire le mas'a c'est mashrou', bien sûr avec les conditions. Et il sait que le ghasl, bien sûr, c'est mashrou', comme a fait l'ayah, on l'a vu en détail. Lakin l'an, c'est quoi l'afdal? هذه المسألة أربعة أقوال. قال الأول تفضيل غسل الرجلين. premier قول c'est mieux de laver ses pieds. أي تنلف الخفين. et tu laves tes pieds. لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه في معظم الأوقات. leur دليل أن la plupart du temps النبي صلى الله عليه وسلم lavait ses pieds. الثاني تفضيل المس على الخفين. le mieux c'est le mas'a ala al-khuffayn. Aïe, c'est le contraire du premier qawl. لِأَنَّ فِيهِ مُخَالَفَةٌ لِأَهْلِ الْبِدَعِ. pour eux, le mieux, c'est de faire le mas'a ala al-khuffayn. لَأَنَّ تُخَالَفَ أَهْلِ الْأَهْوَى. et ça, ça montre أن هذا c'est un maqsad عظيم. مُخَالَفَةَ أَهْلِ الْأَهْوَى. que ce soit le kuffar ou le mubtadi'a. مُخَالَفَةُهُمْ, c'est طيب. هؤلاء الآن, ils ont basé leur qawl sur هذا. vu qu'eux yunkirun هذا. الأفضل, c'est que nous l'applique. قال وإحياء للسنن كذلك هذا مقصد عظيم فغبيب للسنن قال الثالث قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد ابن القيم الآن يفصل يفضل يوقف القول الراجح في زاد المعاد إلى فصل قال ولم يكن يتكلف ضد حاله التي عليها قدما لا شك si tes pieds nus لا تتكلف tu te dis là je vais aller porter des chaussettes. Je vais aller porter des chaussettes, je suis à la tahara maintenant. Avant de perdre l'eau d'eau, je vais porter les chaussettes. Hatta si je perds l'eau d'eau, je ferai le mas. C'est ahsan. Non. Kadalik l'axe. T'étais à la wudu, t'avais le khuffayn ou des chaussettes. T'as perdu l'eau d'eau. Tu te dis, j'enlève les chaussettes. C'est mieux. Sans aucune raison. Mais c'est une raison. Il y a juste là. Lakin an, aucune raison. Et wahid, il pense, il dit, moi j'enlève les chaussettes, c'est afdal de faire le ghasl. Non. Le plus proche, c'est le qawl d'Ibn Qayyim. وَلَمْ يَكُنْ أَيْ نَبِيَ عَلَيْهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَتَكَلَّفْ ضِدْ حَالِهِ أَلَّتِ عَلَيْهَا قَدَمَهُ. Si il a les chaussettes, ou al-khuffayn à leur époque, nahnu al-an, beaucoup c'est les chaussettes, si tu les as, et tu as les conditions, tu les as mis à la tahara, tu es encore dans le waqt, tu as perdu l'eau d'eau, hadat asghar, etc., les chorotes qu'on a vues, et il n'y a pas de najasa, le quatrième, tabiyad al-had, tu fais le masih, c'est ahsan. Léana, tu les as. Si tu dois faire l'eau d'eau et tes pieds nus. Là, tu te calèves. Ah, c'est ça, Ahsan. Ahsan al-Aqwa. Qawl ibn al-Qayyim, rahmatullah alayhi. Bel inkanata ay naam al-Rijla. C'est al-Khuf. Mas'a alayhima. Wa lam yanza'huma. Wa inkanata makshufatayn. Ghassal al-Qadamayn. Ah, c'est afdal al-Aqwa. Al-Tafsil. Et là, tu te calèves. Qala, là, tu te calèves. Ay, tu t'imposes une chose. Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il ne s'est pas imposé. Là. Tu restes à la ma anta alay. Et din il est yusr. Qal wa lam yalbis al khuffayn li yamsa alayhima. Sahih. On n'a pas de hadith anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il était pieds nus. Thumma. Il est parti mettre des khuffayn pour faire le masih. Là, il était pieds nus, il faisait le ghasl. Il avait le khuffayn avec les shurut, il faisait le masih. Qal wa hadha a'dal al aqwal fi mas'alati al afdal min al masih wa al ghasl. هذا قول ابن القيم رحمة الله عليه في الزاد زاد المعاد أفضل الأقوال قاله شيخنا والله أعلم كأنه يريد شيخ الإسلام quand il dit شيخنا الإمام ابن القيم c'est شيخ الإسلام لتيمية قال الشيخ محمد بن حزام وهذا القول هو الراجح والله أعلم نعم هذا قول طيب قول طيب لأنه correspond avec la situation du prophète صلى الله عليه وسلم pourquoi des fois il faisait le masih et des fois il faisait le ghasl il faisait le masih لأنه il avait الشروط il avait quelque chose sur les pieds. Al-Khuffayn, matalam. Pourquoi des fois il faisait le ghasl? Yannahu, il voulait faire l'eau d'eau, il était pieds. Fala, takalluf dans les deux cas. Naam al-Tawqit, page 202, hadith 58. Il a cité des masa'il. Et, inshallah, on verra demain. Subhanak lahum bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilayk.